Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 91. De la louange de Dieu. Nécessité de louer Dieu par des paroles et par des chants. 1. Devons-nous louer Dieu par nos paroles? Le roi prophète s'écrie, mes lèvres vous loueront dans des transports de joie. Psaume 62, 6. Les louanges proférées par la bouche des hommes sont nécessaires, non à Dieu même, mais à ceux qui le louent. Elles éveillent dans leurs âmes et dans celles des autres le respect et les pieuses affections, comme le marquent ces paroles, le sacrifice de louange m'honorera, et c'est par lui que je ferai voir le salut qui vient de Dieu. Psaume 49, 23. 2. Devons-nous chanter les louanges de Dieu? Il convient d'employer, pour élever nos cœurs vers Dieu, tout ce qui est de nature à réchauffer les âmes tièdes et à les enflammer du feu de la dévotion. Tel est l'effet des chants sacrés dans les louanges divines, à raison des impressions diverses que la mélodie des sons porte dans les âmes. Je suis forcé, disait saint Augustin, d'approuver l'usage du chant dans l'Église, en flattant l'oreille, il élève au sentiment de la piété les esprits encore faibles. Parlant de lui-même et s'adressant à Dieu, il s'exprime ainsi, ses hymnes, ses cantiques célestes, les suaves accents de votre Église, faisaient jaillir des torrents de pleurs de mon âme attendrie. Il est incontestable que les chants pieux font pénétrer profondément dans nos cœurs les vérités divines et nous excitent à la dévotion, soit parce qu'on s'arrête plus longtemps sur les mots, soit parce que les affections de notre âme, avec leurs nuances variées, se retrouvent, par une sorte de sympathie secrète, dans les modulations de la voix. Si quelques-uns ne comprennent pas toujours les paroles que l'on chante, ils comprennent néanmoins que l'on chante pour louer Dieu, et cela seul les excite à la dévotion. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.